À l'est du Soleil et à l'ouest de la Lune, par Peter Christen Asbjørnsen et Jørgen Moe. Chapitre 1er. La demande de l'ours polaire. Il était une fois un homme qui avait beaucoup d'enfants, mais il était si pauvre qu'il ne possédait pas de quoi les nourrir ni les vêtir. Tous ses enfants étaient jeunes, bien faits, de taille avenante et de visage agréable. Mais c'était encore la plus jeune des filles qui était la plus belle. Cette fille, qu'on nommait Herda, était vraiment la perfection même, et soit qu'on la considérât de taille ou l'admirât de visage, il n'était pas possible, tant elle dégageait de charme, de la contempler longtemps sans être émue. Un jour, c'était un jeudi, vers le soir, au déclin de la saison la plus sombre de l'année, le vent soufflait si fort qu'il semblait vouloir emporter le toit de chaume. La pluie frappait aux vitres de ses milliers de doigts. Le ciel s'était obscurci et la tempête s'était déchaînée avec tant de fureur que les murs de la maison en étaient ébranlés. Réunis en cercle autour de l'âtre où brûlait un grand feu, le père, la mère, les garçons et les filles occupaient leurs loisirs, le père à raccommoder un vieux filet pour la pêche, la mère à lire dans un livre de prières historié d'images, le plus jeune des garçons à creuser dans une bûche un sabot de Noël. Mais Herda, la plus jeune des filles, celle qui était la plus belle, brodait avec application et le reflet du foyer, en la revêtant d'une sorte de lueur, semblait la marquer d'avance, parmi tous les siens, pour une sorte de destin inattendu et surnaturel. À peine l'horloge de bois avait-elle sonné 6 heures, la tempête venait de subir une accalmie. Il semblait, à ce moment-là, que chacun retint son souffle, tant l'apaisement de l'orage ôtait un poids de dessus les cœurs. Seul le balancier faisait entendre son tic-tac régulier. Quand soudain, 3 coups frappés au carreau vinrent troubler le recueillement et rompre le silence. Le père se leva aussitôt, rejeta son filet et se dirigea vers la porte. Mais à peine l'eut-il ouverte qu'un grand ours blanc parut sur le seuil. Cet ours s'exprimait avec facilité. « Bonjour, » dit-il en posant sa grosse patte sur la première marche. « Bonjour, » répondit l'homme en touchant son bonnet. « Que désirez-vous ? » Le visiteur des neiges vint tout de suite au fait. « Voulez-vous me donner en mariage votre fille Herda ? Si vous y consentez, je vous rendrai aussi riche dans l'avenir que vous êtes pauvre dans le présent. » Le pauvre homme, qui ne vivait que de sa maigre pêche et de raccommoder les filets, ne put s'empêcher de penser que ce serait une chose heureuse d'être riche. Cependant, il ne voulut pas s'engager plus avant sans avoir consulté le cœur de sa fille Herda. Comme bien on pense, celle-ci répondit « Non ». Tout net à la question que lui posait son père, et quoique celui-ci tentât, il ne put la déterminer à revenir sur son refus. Le père, voyant que rien ne pouvait ramener Herda à d'autres sentiments, sortit de la maison et dit à l'ours, sans que sa fille l'entendît, « Revenez jeudi prochain, dans la soirée, et je vous donnerai ma réponse. » À partir de ce moment-là, le pêcheur entreprit de persuader son enfant. Il lui fit valoir le prix des richesses dont elle pourrait combler ses parents, ses frères et ses sœurs. Il lui représenta combien elle serait elle-même une femme heureuse, vivant dans l'opulence et ne connaissant que le plaisir et les fêtes. La chaleur qu'il apporta à s'exprimer ébranla Herda au point que celle-ci en vint peu à peu à considérer avec moins de répulsion cette situation extraordinaire d'être la femme d'un ours. Dans l'espoir même que ce dernier peut revenir, il n'est rien qu'elle ne fît pour s'apprêter poliment à le recevoir. Elle peignit avec soin ses cheveux, mit sa plus belle robe et rangea toutes ses hardes afin de n'avoir plus qu'à suivre son étrange fiancé. Le jeudi suivant, la famille se trouvait comme la première fois rassemblée autour de l'âtre, quand l'horloge de bois se mit tout à coup à sonner 6 heures. Et au même instant, les 3 coups furent frappés au carreau. Les enfants interrompirent leurs occupations. La mère s'arrêta de lire dans son livre de prière, et le père, ayant rejeté le filet dont il était occupé à raccommoder les mailles, s'en alla ouvrir. Cette fois encore, c'était l'ours blanc. À peine eut-il posé sa grosse patte sur le seuil, et se fut-il arrêté à considérer le visage d'Herda, qu'il comprit que sa proposition était acceptée. Alors il fit un signe. La jeune fille, sans se faire prier autrement, monta sur le dos de la bête, son paquet de hardes à la main, et comme l'ours ne voulait pas, en prolongeant les adieux, risquer de voir Herda revenir sur sa détermination, chargé de son précieux fardeau, il s'en alla, sans tourner la tête, aussi vite qu'il put. Derrière eux, la neige en tombant effaçaient les marques des pas de l'animal, et il n'était pas possible de retrouver les traces du chemin où il s'engageait. À peine cependant eurent-ils parcouru une courte distance que l'ours blanc demanda « Avez-vous peur ?»« Non, dit Herda, je n'ai pas peur. » « Alors, ajouta l'ours, veillez bien à vous tenir solidement au poil de ma fourrure et vous n'aurez rien à redouter. » Ils marchèrent ainsi longtemps, longtemps, et bien qu'il fît nuit chez les hommes, il n'y avait aucune ténèbre dans la contrée où ils avançaient. Enfin, après avoir marché un temps indéfini, ils atteignirent une montagne si escarpée que toutes celles qui se dressent au bord des fjords, au-dessus de l'océan, paraissent petites en comparaison. Là, parvenus au pied de cette montagne, l'ours blanc s'arrêta et déposa le plus doucement qu'il put la jeune fille sur le sol, puis, s'étant approché d'un endroit connu de lui, il frappa d'une certaine manière. Une porte s'ouvrit dans le rocher, et ils pénétrèrent dans la maison, Herda la première, et l'ours après elle, heureux visiblement d'y ramener une fiancée si jeune et si belle. À peine Herda, qui n'avait jamais quitté son village, eut-elle fait quelques pas, qu'elle vit qu'elle se trouvait dans un château le plus magnifique qu'on pût imaginer. Ce n'était partout que chambres brillamment illuminées, toutes richement peintes, et où l'or et l'argent resplendissaient de tous les côtés. La jeune fille ne se lassait pas d'admirer toutes ces merveilles. Mais ce qui retint le plus volontiers son attention, ce fut, dans l'une de ces salles, luxueusement tapissée de bas en haut de grands motifs de chasse, une table apprêtée avec des fleurs telles qu'il n'est pas possible d'en voir dans ces contrées, jonchées de cristaux, et de plus, abondamment pourvues de tous les mets. L'ours blanc, qui ne cessait de manifester devant Herda les marques les plus vives du respect et de la soumission, remit à la jeune fille, avant de prendre congé d'elle, une clochette d'argent et lui dit que, si le désir lui venait de quelque chose, elle n'avait qu'à sonner, elle serait aussitôt servie. Après avoir mangé et bu, non sans pousser quelques soupirs du fait de se trouver seule devant une si belle table, Herda se sentit si lasse de son voyage qu'elle éprouva le désir de goûter enfin le repos. Elle agita la sonnette, comme l'ours l'avait dit, et à peine l'eut-elle fait qu'elle se trouva transportée par des mains invisibles dans une chambre qui ne le cédait en rien aux premières, tant elle était éblouissante. Dans cette chambre, il y avait un lit aussi blanc et aussi moelleux qu'on peut le souhaiter pour une princesse, avec des oreillers et des rideaux de soie tout brodés de franges d'or. À peine Herda, que tant de magnificence ne laissait pas de troubler un peu, se fut-elle mise au lit et eut-elle soufflé la lumière qu'un homme vint et s'étendit à ses côtés. Les nuits suivantes, il en fut de même, et c'était l'ours blanc qui, la nuit, quittait sa forme de bête. Mais Herda ne put jamais le voir, car il arrivait souvent quand la lumière était éteinte, et il se levait et partait avec de grandes précautions avant que le jour parût.